Dans 5, 4, 3, 2, 1, et hop! Le doute, c'est pratiquement ce qu'on sait faire de plus beau. Il y a tellement de diversité, tellement d'intelligence. La matière et ses atomes. C'est le moment où véritablement quelque chose a lieu. Et ce procédé devait mener à la séparation du chlorure de radium. Néandertal était différent, et pourtant si proche d'Homo sapiens. Le monde sous-marin est 3 fois plus grand que les terres émergées. On y trouve entre autres des plaines abyssales, des volcans et une vie foisonnante à des milliers de mètres de la surface. Pendant longtemps, les profondeurs sous-marines sont restées une énigme pour l'homme. Ce monde vaste et inconnu a fait naître d'innombrables récits peuplés de créatures étranges et parfois effrayantes. Il a fallu attendre le 19e siècle pour qu'un coin du voile se lève et la seconde moitié du 20e siècle pour que l'homme commence à explorer rationnellement ce milieu aquatique. Marianne Cambon est une de ces exploratrices. Elle va vous raconter aujourd'hui ce que très peu d'humains ont vu. Marianne Cambon est descendue à plus de 3000 mètres sous l'eau. Cette chercheuse à l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploration des mers, est microbiologiste en environnements extrêmes. Les Aventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter. La planète Terre, qu'on aurait pu appeler la planète océan finalement, puisque 70% de la surface de notre planète est recouverte par les océans. Et la profondeur moyenne de ces océans, on l'oublie souvent, est quand même à 3800 mètres. Donc finalement, il y a une très grande épaisseur d'eau avant d'arriver au fond marin. Et finalement, contrairement à ce qu'on a cru pendant très longtemps, les fonds marins ne sont pas plats, ce ne sont pas de grandes plages de sédiments. Il y a effectivement deux grandes plaines abyssales, mais aussi des canyons très profonds, comme la fosse des Mariannes, qui descend jusqu'à 11 000 mètres de fond, donc qui est une vraie fosse de subduction. Et puis, il y a aussi des montagnes au fond des océans, les dorsales médio-océaniques, qui peuvent culminer à 2 ou 3 000 mètres de haut avec la zone de naissance de la nouvelle croûte océanique. Les fonds sous-marins ont toujours éveillé la curiosité des hommes puisqu'ils sont cachés aux yeux de l'homme par cette masse d'eau. Et on a toujours voulu aller voir ce qui se passait en dessous, en sachant bien qu'on ne pouvait pas respirer sous l'eau. Il y a eu plein d'essais pour que les hommes descendent sous l'eau depuis très longtemps. Et à chaque fois que l'homme ne comprend pas ou ne voit pas bien quelque chose, n'est pas capable de l'expliquer, cela crée aussi des mythes et des légendes hein, qui datent depuis l'époque des Grecs, hein, où on imaginait les océans peuplés de monstres marins, assoiffés de sang, prêts à s'emparer de tous les marins et les inconscients qui pouvaient s'approcher des rivages ou aller sur des bateaux. Les baleines devenaient des grands monstres qui venaient taper les bateaux et volant les faire couler, alors qu'en fait c'était probablement des accidents. Par ailleurs, à part ces grands cétacés, il y a aussi les pieuvres hein, qui ont toujours fait peur avant qu'on les connaisse. Certaines ont des tailles assez impressionnantes. Hein. Les calamars géants qui pouvaient être remontés ou vus par les marins et qui ne se l'expliquaient pas. Donc c'est une époque où effectivement la mer faisait peur, elle le fait toujours peur dans certaines peuplades d'ailleurs. Et cet imaginaire bestiaire a été très exagéré dans les contes, dans les écrits et dans les gravures de l'Antiquité et des croyances autour de la mer. Et ce n'est que depuis quelques temps qu'on peut descendre dans les profondeurs des océans pour les étudier, mais on en parlera plus tard. En 1866 paraissent Les travailleurs de la mer de Victor Hugo, lecture de Thibaut de Montalembert dans l'émission La Marche des Sciences sur France Culture, le 31 décembre 2015. C'est la haute mer. L'eau y est très profonde. Des formes épouvantables, faites pour n'être pas vues par l'œil humain, errent dans cette obscurité vivante. De vagues linéaments de gueules, d'antennes, de tentacules, de nageoires, d'ailerons, de mâchoires ouvertes, d'écailles, de griffes, de pinces, y flottent, y tremblent, y grossissent, s'y décomposent et s'y effacent dans la transparence sinistre. D'effroyables essaims nageants rôdent, faisant ce qu'ils ont à faire. C'est une ruche d'hydres, L'horrible est là, idéal. Figurez-vous, si vous pouvez, un fourmillement d'holothurie. Voir le dedans de la mer, c'est voir l'imagination de l'inconnu, c'est la voir du côté terrible. Le gouffre est analogue à la nuit. Victor Hugo, c'est assez impressionnant, malgré le peu de connaissances qu'il y avait à ce moment-là, de voir une certaine clairvoyance, ce monde obscur qui s'efface. C'est vrai qu'il suffit de passer les 100 premiers mètres où tout d'un coup, on voit plus rien, la lumière s'efface assez rapidement. Et on imagine bien les hommes face aux requins, aux animaux, certains de grande taille. C'est à la fois impressionnant et ça représente relativement bien certains moments lorsque l'on passe dans l'océan sur les zones de surface où effectivement on peut avoir ces rencontres assez majestueuses avec les animaux marins de belle taille en fait. Victor Hugo parle de griffes, effectivement, certains animaux ont de par leur nageoire acérée ou peuvent faire penser à des griffes. Il y a aussi des animaux plus profonds avec des mâchoires assez impressionnantes où on se dit qu'on est bien content de pas servir de proie. Parfois, les dents dans l'évolution ressortent même de la mâchoire. Et ils ont tout de ce qu'on appelle des monstres marins. Encore aujourd'hui, on les appelle souvent comme ça, même en science. Donc avec les travailleurs de la mer, Victor Hugo a touché l'imaginaire des gens à cette époque-là où la mer était encore avant tout un endroit dangereux, où on ne souhaitait pas trop aller, trop s'aventurer. On parlait souvent d'écueils et de bateaux qui coulaient. Jules Verne a aussi éveillé l'imaginaire et le nourrit encore aujourd'hui. Il y a énormément de jeunes et de gens qui lisent 20 milieux sous les mers. D'avoir imaginé un sous-marin, Nautilus, qui va visiter les grands fonds, qui rencontre des monstres marins, et puis ses batailles avec son poulpe géant qui l'attaque. C'est vraiment un imaginaire qui est encore au goût du jour maintenant, même si ça relève du fantastique. Mais je pense que Jules Verne fait encore rêver aujourd'hui et donne envie d'aller voir en dessous ce qui se passe. 1954, 20 milieux sous les mers de Richard Fleischer. Voyez comme tout respire la paix ici. La mer, c'est la grande vérité. Voyez-vous, à la surface règne la terreur et la faim. Partout, il règne aussi l'iniquité et l'injustice. On se bat. On se dévore, on se taille en pièces. Mais à 20 pieds à peine sous la frange des vagues, le mal est noyé et son influence s'efface. Ici, au-dessous des flots, est la seule indépendance. J'y suis libre. Imaginez ce que l'homme ferait s'il contrôlait des machines telles que ce submersible. Il vaut mieux que l'on croit encore aux monstres. Comme chasse au harpon. Dans son roman de 20 milieux sous les mers, c'est assez impressionnant que Jules Verne ait eu une espèce de vision des grands fonds, alors qu'en fait, il n'y a forcément pas été à cette époque-là. C'est vrai qu'on parle du monde du silence, c'est ce qu'on ressent quand on part en plongée. La liberté de mouvement, il n'y a pas de frontière au fond des océans. Celui qui aurait un tel sous-marin pourrait effectivement partir partout dans les fonds marins sans que personne ne sache qu'il est là, puisque à l'époque, on ne pouvait pas les détecter. Et pour protéger les océans, encore vaut-il mieux croire aux monstres, c'est un peu ça qu'il dit, parce qu'on peut se demander ce que l'humain ferait. Et c'est une question qui est encore très actuelle aujourd'hui, de l'impact humain sur les grands fonds marins et ce que pourrait bien faire l'homme sur ce territoire qui est encore relativement vierge. Donc il a fallu attendre pratiquement le 19e siècle pour qu'un début de rationalisation de la notion des océans profonds passe dans le monde scientifique et politique. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au départ, les expéditions avaient pour but plutôt d'aller récupérer les épaves et leurs biens avant d'aller faire de la science. Pendant très longtemps, on a pensé que la vie en dessous de 500 mètres de fond était totalement impossible. On n'avait pas de technique pour sonder le fond des océans, donc imaginer leur profondeur. On a commencé vraiment à le faire quand on a voulu tirer des câbles télégraphiques, par exemple. Et ce n'est que dans les années 1950 à peu près qu'on a eu, technologiquement parlant, un début de possibilité de visiter ces grands fonds marins. On the floating ship's oceans, C'était Song to the Siren, This Mortal Coil. Les aventuriers sur France Inter. Les grands fonds marins sont des milieux hostiles pour les hommes. Les pressions peuvent y être mille fois plus fortes qu'à terre. L'exploration en eau profonde est une activité relativement récente. Marianne Cambon, microbiologiste en environnement extrême à l'Ifremer. Donc une des grandes expéditions qui, pour une fois, avait un but clairement annoncé scientifique, c'était la mission du Challenger, partie en 1872, a duré 4 ans, a fait le tour du monde. Il a fallu 19 ans pour publier près de 30 000 pages de recueils scientifiques avec de nombreuses espèces nouvelles. Et je pense que c'est une des grandes campagnes, missions qui a permis de lever le voile, un début de voile, sur la richesse des océans profonds. Le Challenger, c'était un bateau à voile à l'époque. Ils étaient plus de 300 à bord. Pour sonder le fond, on avait des fils de plomb améliorés, donc avec du cordage, qui demandaient beaucoup d'énergie aux marins. Et il fallait arrêter le bateau régulièrement, de manière à faire des relevés à peu près précis. C'est à cette époque-là aussi où on a découvert qu'il y avait une montagne au milieu de l'Atlantique, lorsqu'on a commencé à tirer des câbles vers les États-Unis pour faire le télégraphe. Et ça a tordu le cou aux idées que les fonds marins étaient plats. Et puis ça a commencé aussi à tordre le cou à l'idée qu'il n'y avait pas de vie possible en dessous de 500 mètres. Et petit à petit, plusieurs expéditions avec des prélèvements très profonds ont remonté des animaux, certes pas en grande forme en remontant de plusieurs milliers de mètres, puisqu'il y avait une dépressurisation trop violente, mais on remontait des animaux, par exemple des moules, fixés sur des bois, et d'autres types d'animaux, comme des vers, comme des poissons plats, et des traces de coraux ou de choses qu'aujourd'hui on décrit encore, et qui ont dû paraître absolument extraordinaires aux scientifiques qui étaient à bord de tels vaisseaux. Donc à cette époque-là, effectivement, pas de sous-marin, pas de technologie pour aller dans les grands fonds en toute sécurité. Dans les années 1700-1750, ils ont commencé à essayer les premiers scaphandres. Alors tout ça, c'était tiré parce qu'ils voulaient aller chercher dans les épaves, remonter les trésors des épaves. Donc c'était poussé par les gouvernements et les propriétaires des épaves. Et puis les premières combinaisons, c'est dans les années 1840. Donc finalement, c'est relativement récent dans l'histoire de la science. Et puis début 1900 jusqu'à 1940, début de volonté d'aller sous l'eau, mais pas forcément pour un but autre que le plaisir d'aller sous l'eau. Et donc là, on va commencer à parler d'un certain monsieur Cousteau qui a commencé à utiliser des palmes dans les années 40, 1940, et qui a fait un réel plus avec ses compères Taillez et Dumas en développant le détendeur qui permettait d'avoir de l'air à une pression respirable avec une bouteille qu'on prenait sur le dos. Et c'est ça qui a sans doute révolutionné la première fois les plongées humaines avec combinaison et bouteille pression. Et ce n'est qu'après que les premiers sous-marins habités ont commencé à être développés. Le premier sous-marin qui a été développé par l'homme pour être habité et descendre dans des grandes profondeurs, on le doit donc à Auguste Piccard. 1948, il a plongé pour la première fois à 25 mètres au mois d'octobre, avant d'aller jusqu'à 1400 mètres. Et donc ça a été vraiment le début de l'ère des sous-marins habités. 29 juillet 1946, Radiodiffusion française. L'inventeur Auguste Piccard est interviewé par Roger Nordman. Quelles seront vos conditions d'existence à l'intérieur de cette nacelle sous-marine? Eh bien, présentez-vous une sphère de 2 mètres de diamètre, avec un appareil comme dans la stratosphère pour régénérer l'air. On aura donc l'oxygène, on absorbe l'acide carbonique, on aura une température à peu près normale, on aura deux fenêtres pour garder vers l'extérieur, de fortes lumières à l'extérieur, des lampes de 5000 bougies pour éclairer, et ce qui sera peut-être plus intéressant, parce que du temps, on n'éclairera pas. On sera dans l'obscurité complète et on regardera. Vous savez ce qu'on verra? Dans l'obscurité, j'imagine mal, monsieur. Non, au contraire. On verra les poissons lumineux. C'est pas comme chez nous, vous voyez, des fois en été, les petits vers luisants. Eh bien, à ces grandes profondeurs, où il n'y a pas de lumière, les poissons ont leur propre lumière. Ils ont des phares pour voir et des dessins pour se reconnaître, pour se retrouver. Et ce sera grandiose de voir toute cette faune éclairé, coloré, éclairé, qui viendra nous regarder parce qu'on a une petite lumière pour les attirer, viendra nous regarder parce qu'ils sont aussi curieux, ces poissons. Alors ils viendront pour regarder, nous les regarderons, mais nous ne leur ferons pas de mal, et eux ne nous feront pas de mal. Alors on se quittera en paix. La fluorescence des poissons, la luminescence, la bioluminescence est quelque chose qui est absolument magnifique lorsque l'on plonge, et je comprends l'excitation qu'il avait, puisque ce sont des couleurs et des spectacles lumineux, lorsqu'on a la chance de les rencontrer, qui sont effectivement très très beaux et très diversifiés. Donc l'apport d'Auguste Piccard, qui au début travaillait sur des ballons pour aller dans l'espace, dans les hauteurs, a été d'adapter une sphère. Donc l'idée de la sphère, parce que la pression s'annule lorsque l'on descend, lorsqu'on a une sphère, et qui à l'époque était sustentée, donc pour flotter, elle avait un énorme réservoir rempli d'essence. Ça paraît fou aujourd'hui. Et c'est grâce à ça qu'au début, Auguste Piccard a eu l'idée de construire ce sous-marin. Et donc avec un lest, il pouvait descendre. Et grâce à l'essence, il pouvait remonter s'il lâchait son lest. Et c'est vraiment de là que ont démarré les connaissances de la réaction des matériaux et des corps dans l'eau et quand on plonge. C'est vraiment grâce à ça qu'on a démarré l'exploration sous-marine. 6 mars 1954, Radiodiffusion française, Auguste Piccard est l'invité de Paris vous parle. Monsieur le professeur, pouvez-vous me dire ce que c'est qu'un bathyscaphe ? Vous savez ce qu'est qu'un ballon libre ? Oui. Eh bien, un bathyscaphe, c'est un ballon libre avec les petites modifications qu'il faut pour aller dans la mer. Au lieu d'hydrogène, nous avons de l'essence, un liquide plus léger que l'eau, aussi bien qu'on a de l'hydrogène, un gaz plus léger que l'air qui porte. Je comprends. Nous avons l'enveloppe, au lieu d'être une enveloppe en toile mince, c'est une coque en tôle. Et nous avons la cabine, qui alors elle doit être très solide pour résister à la pression extérieure. Est-ce que ce n'est pas justement la pression qui domine toute la construction ? Ah oui, la pression joue un grand rôle là-dedans. Pensez à la cabine de 2 mètres diamètre intérieur, elle a 9 cm d'épaisseur de paroi d'acier. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas de soudure ? On a raconté... Non, il n'y a pas de soudure dans la cabine. Comment c'est deux hémisphères posés l'un sur l'autre. Donc, en somme, le bathyscaphe est un sous-marin, mais un sous-marin pour très grande profondeur. Auguste Piccard, dans les années 40-50, c'est quand même incroyable qu'il ait eu cet éclair de génie pour que tout ce qu'il a développé pour l'aérien, il ait l'idée de l'adapter et de le transformer pour aller sous l'eau. Ce grand homme, Auguste Piccard, si l'on voit les photos, c'est un petit peu le professeur Tournesol dont Hergé s'est largement inspiré. Et il avait tout du génie et du savant. Et à peu près à la même époque, un petit peu plus tard, la biologie, le monde sous-marin, la vie du monde sous-marin a été portée à la connaissance du plus grand nombre grâce à Cousteau, à ses films, à ses travaux. Il a développé, on en parlait un petit peu tout à l'heure, le détendeur pour pouvoir rester plus longtemps sous l'eau, lui qui a commencé par l'apnée. Et qui a permis d'aller vers le grand public, montrer la beauté des fonds marins, qui s'est battu avec d'autres pour que les fonds marins soient respectés, pour que l'homme, dans sa vie de tous les jours, se rende compte de ces écosystèmes luxuriants, foisonnants, et d'essayer d'expliquer comment ils fonctionnent. 1956, sortie du film « Le monde du silence » du commandant Cousteau. Aucun instrument ne remplace l'homme. Les plongeurs deviennent indispensables pour dresser un vaste inventaire de la mer. Dumas et Falco sont partis explorer la zone crépusculaire au pied d'une falaise de corail. À mesure qu'ils descendent, les couleurs chaudes disparaissent, tout devient bleu. Parvenus à 30 mètres, ils allument leurs lampes et c'est un flamboiement de couleurs. Des couleurs que personne, pas même les poissons, n'avait pu voir avant eux. Ils lisent souvent la profondeur à leur manomètre de poignée, car les espèces fixées sur les parois varient avec cette profondeur. Plus ils s'enfoncent, plus les bruns deviennent chauds, plus les rouges sont violents. Au-delà de 60 mètres, les cerveaux sont guettés par l'ivresse des profondeurs. Le paysage semble jailli d'un cauchemar. Il continue pourtant et atteint 75 mètres. Il ne faut pas aller plus bas. Il ne faut pas rester longtemps. Les plongées autonomes en bouteille, telles que les décrivent Cousteau, sont assez incroyables de par leur profondeur. Il est vrai qu'on a pas su tout de suite ce qui créait l'ivresse des profondeurs, même si aujourd'hui on la comprend mieux. Mais il a sans doute fallu beaucoup, beaucoup d'accidents de plongée. Cousteau lui-même a failli a eu des accidents graves plusieurs fois. Et ces couleurs qu'il décrit, effectivement, on passe de la zone photique qui est très, très lumineuse. Quand on descend sous-marin, ça fait exactement la même chose. C'est très, très lumineux, c'est très dans les couleurs jaunes. Et très vite, l'océan passe tout au bleu. On voit tout dans les tons bleus. Et lorsqu'on allume une lumière et qu'on se retrouve, comme il dit, 50-60 mètres, on voit déjà une certaine obscurité. Et lorsqu'on allume une lumière, ça fait ressortir les couleurs qui sont époustouflantes. Comme on l'a entendu dans cet extrait, l'équipe Cousteau descendait quand même jusqu'à 75 mètres, ce qui en soi est assez impressionnant. Quelques années plus tard, le fils d'Auguste Piccard va avoir la chance de descendre dans la fosse la plus profonde de la planète, qui est la fosse des Mariannes, atteindre 10 916 mètres grâce au sous-marin Le Trieste, et passer plus d'une dizaine d'heures dans ce sous-marin avec son collègue, et donc établir le record encore au jour d'aujourd'hui de la plongée la plus profonde habitée. Et dans ces grands fonds marins, à leur grande surprise, ils ont pu observer des crevettes, ils ont vu passer des poissons plats et ils sont arrivés sur des zones ensablées de sédiments. Et ils ne s'attendaient pas à voir des animaux vivants, en fait. Ça a été une de leurs grandes surprises. Et c'est un petit peu ce qui est la grande surprise de tout plongeur, je crois, dans les grands fonds. On s'attend toujours à voir des grands fonds, parce que c'était l'idée la plus communément admise, des grands fonds peu habités, relativement désertiques. Alors qu'en certains points, il y a effectivement la vie, qui est parfois très foisonnante, comme on le verra tout à l'heure. On écoute Shannon Shaw sur France Inter, Broke My Own. So just leave me. Aventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter. À partir de la fin des années 70, la technologie a permis à des hommes de visiter les grands fonds marins. Et ce qu'ils découvrent est fascinant. À 2500 mètres de profondeur, une vie exubérante s'est développée. Pour les scientifiques, comme la microbiologiste Marianne Cambon, cette découverte est révolutionnaire. Après cet exploit de plongée de Jacques Picard dans la fosse des Mariannes à 10 916 mètres, soyons précis, il faut pas oublier qu'on était toujours avec l'ancienne technologie de la sphère qui était sous son énorme flotteur à l'essence. Puis, peu de temps après, on a découvert des nouveaux alliages, des nouvelles structures, surtout ce qu'on appelle la mousse syntactique, qui est une mousse ultra-flottante, qui du coup va libérer l'utilisation de l'essence, qui rendait quand même ce sous-marin triestre absolument énorme et peu manipulable. Et c'est en 1963 que l'Alvin est né, le sous-marin de poche américain, blanc, où peuvent descendre trois personnes, donc dans une sphère d'à peu près 2 mètres de diamètre, hein, la même finalement que celle qui était montée sur le sous-marin triestre. Il va pas être sous un flotteur, il va être habillé par un flotteur, avec des bras manipulateurs, des hublots pour observer, des caméras. Et en 1977, lors de campagnes franco-américaines, l'Alvin, en pleine théorie de la tectonique des plaques, va plonger au large des Galapagos. et se retrouve tout d'un coup par 2500 mètres de fond avec des géologues à bord et ses pilotes, se retrouve nez à nez avec des vers géants de plus de 2 mètres de haut, des crevettes, des crabes, des moules, et puis des eaux chaudes qui sortent des infractuosités du sol. Et tout ça fait penser à un oasis de vie qui est absolument inimaginable à l'époque. Et les géologues à bord n'en reviennent pas, ils communiquent avec la surface pour leur dire « Mais qu'est-ce que c'est? Il y a des animaux partout, vous nous aviez dit que c'était le désert. » Ça a été une nouvelle ouverture, une nouvelle scientifique, où on a ouvert un tas de portes sur le possible de la vie sur notre planète. Où effectivement, la vie est possible dans des environnements profonds, avec des sorties d'eau chaude, relativement toxiques, puisqu'il y a de l'H2S, il y a du méthane, il y a des concentrations importantes de métaux lourds, on est dans des systèmes volcaniques. Et finalement, l'Alvin a découvert l'existence autour de ce qu'on a nommé les sources hydrothermales, ces sorties d'eau chaude qui viennent des zones de rides médio-océaniques. Et ils ont découvert ce jour-là des animaux, et des animaux aux couleurs assez impressionnantes. Donc les vers géants, qu'on appelle les riftiens, ont un grand panache branchial qui est rouge vif. Vous avez des crabes très blancs, vous avez des moules qui peuvent aller dans les tons orangés, dans les tons bleutés en fonction de l'environnement. Vous avez des petites crevettes rouges. Et toutes ces couleurs, le tout avec la cheminée, avec les minéraux autour qui sont soufrés, qui sont dans les tons jaunes, orange, ocre, il y a des gris. Ça fait un ensemble de palettes de couleurs qui sont toujours impressionnants, qui conduisent toujours à l'émerveillement de l'observateur, qu'il soit scientifique ou pas. Donc l'Alvin a réalisé au jour d'aujourd'hui pas loin, je crois, de 4000 plongées. Hein, il est né en 1964 quand même. Il plonge jusqu'à 4500 mètres. Et il a donc pu parcourir tous les océans du monde à la recherche et à la découverte de sources hydrothermales ou de carcasses de baleines, de tout ce qui fait la richesse des océans profonds. Il a fallu quelques années quand même avant que l'Alvin soit accompagné par un collaborateur qu'on appelle le Nautil, qui est le sous-marin français, petit sous-marin jaune qui a à peu près la même taille que l'Alvin, qui est né en 1984. Le Nautil a une sphère de 2,10 m de diamètre, il fait à peu près 8 m de long pour 19 tonnes et demi. Il est un petit peu plus lourd que l'Alvin, il possède aussi 3 hublots et 2 bras manipulateurs. Et puis ils sont tous les deux équipés de caméras et de systèmes de prélèvement et de mesures. Et donc le Nautil a permis ces dernières années de découvrir de nombreux sites hydrothermaux, entre autres, sur la ride médio-atlantique, mais aussi dans le bassin de l'eau, le bassin de Manus, dans le Pacifique, autour de Wallis et Futuna. Il a aussi servi pour aller sur l'épave du Titanic, où il a pu remonter des vestiges de ce magnifique bateau lors de recherches. Aujourd'hui, le Nautil a à peu près réalisé 1700 plongées, et on l'utilise toujours aujourd'hui pour nos recherches scientifiques. 1993, la naissance des océans, de l'océanographe Thierry Juteau. Jeudi 1er août 1991, 9h20. De l'intérieur du Nautil, la tête collée contre le hublot, je peux balayer du regard une dernière fois la plage arrière du Nadir, le navire porteur du submersible. Notre objectif se situe à plus de 4 km sous nos pieds. Étroite et linéaire, la fosse Blanco entaille sur près de 3000 mètres de dénivelé la jeune croûte océanique du Pacifique. Nous sommes trois dans la sphère de titane de 2 mètres de diamètre qui constitue l'organe essentiel du submersible. Nous nous sommes posés en douceur sur un pierrier à pente assez raide, jonché de gros blocs. Une mince couche de sédiments blanchâtres, colonisée par de minuscules éponges, recouvre les blocs. L'immersion du Nautil, mesurée par les capteurs de pression et indiquant la profondeur, est de 4205 mètres. Comme en haute montagne, les effets de la pesanteur sont visibles partout. Éboulements rocheux, vastes coulées d'éboulis, grands arrachements blanchâtres dans la pente marquant le départ des avalanches. Tout glisse et tout part vers le fond de la fosse, irrésistiblement. Pierre accélère un peu l'allure. Nous enchaînons les falaises, montant toujours. À 12h25, nous surprenons un gros poisson qui a l'air de dormir sur le fond. La faune est dispersée. Ophiures aux bras fins, étoiles de mer plus trapues, crinoïdes graciles sur leurs tiges crénelées, holothuries violettes, holothuries grises à cornes, éponges en corolle ou en candélabre. Tous ces animaux se nourrissent des restes de plancton, de ce que les autres, plus haut, ont bien voulu leur laisser. Pierre déploie le bras télémanipulateur et saisit le 14e et dernier échantillon de lave dans la pince à sucre. Déjà, les batteries donnent des signes de faiblesse. Il est urgent de remonter. Dans cet extrait, Thierry Juteau nous explique son arrivée sur le fond et c'est exactement ça. Donc on descend tout doucement avec le sous-marin jusqu'à arriver pratiquement au fond où on vérifie les poids parce qu'il faut que le sous-marin flotte juste au-dessus du fond pour pouvoir se déplacer. Donc dans la petite sphère, nous sommes trois. Le pilote qui est sur la gauche, qui est allongé sur le ventre. Le scientifique est sur la droite, allongé sur le ventre aussi. Et le copilote est assis derrière nous. Chacun ayant sa tâche bien précise, ou ses tâches devrais-je dire, bien précises, pour mener à bien l'expédition scientifique. Et lorsqu'on en arrive, en général, on n'est pas tout de suite sur le point de l'étude. On arrive un tout petit peu plus loin, de manière à se poser en douceur, larguer les lestes de descente. Et puis ensuite, on avance tout doucement. Donc, en ce qui me concerne, lorsqu'on avance vers les sources hydrothermales, on a d'abord ces éboulis de roches, avec les quelques anémones et galatées bien blanches qui fleurissent aux lumières du sous-marin. Et au fur et à mesure qu'on va s'avancer vers la zone active de la dorsale, vers les sources hydrothermales, on va voir des dépôts grisâtres et puis du moirage dans l'eau, indiquant que l'eau chaude arrive à sortir dans l'eau froide. Et puis, tout d'un coup, on voit devant nous ces cheminées hydrothermales comme des grandes cheminées d'usine, avec au-dessus un panache qui part comme une fumée, avec cette eau chaude qui sort jusqu'à 350 degrés, et tout autour, les animaux qui s'installent et qui se développent en écosystèmes concentriques autour de ces zones de points chauds, de points chauds et de points énergétiques, puisque on ne l'a pas encore dit, mais si en surface la photosynthèse grâce aux lumières du soleil permet de faire la matière organique première avec les plantes, dans les grands fonds, pas de lumière, pas de photosynthèse. Et donc depuis la découverte des sources hydrothermales, on a inventé un nouveau mot qui s'appelle la chimiosynthèse. C'est la synthèse à partir de la chimie des volcans sous-marins en fait. Les micro-organismes, donc bactéries, utilisent les composés minéraux, les soufres, les composés comme le méthane, l'hydrogène, pour fabriquer la matière organique. C'est leur source d'énergie. Et grâce à ça, tous les animaux peuvent se nourrir directement avec des bactéries amies en symbiose ou en consommant des bactéries. Et on a toute une chaîne alimentaire qui s'est développée grâce à la chimie qui, normalement, dans l'idée humaine, devrait tuer tout ce qui est vivant. Et au contraire, là, elle permet à la vie de s'installer. Donc une plongée du Nautil se prépare, puisque même si ça paraît court et en même temps long, on travaille à peu près entre 5 et 6 heures sur le fond. Le Nautil, comme l'Alvin, part avec ses batteries. Et donc on a un certain temps pour faire notre travail. Si je me situe à peu près à 3000 mètres de fond, il faut à peu près 1h15 pour descendre de façon passive. On éteint les lumières pour économiser les batteries. On travaille ensuite 5 à 6 heures sur le fond. Donc là, les lumières allumées, la vidéo, les bras manipulateurs, le panier, les prélèvements. Et puis ensuite, on remonte pendant à peu près 1h30, à nouveau de façon passive, avant de se faire attraper par notre bateau support qui nous ramène à bord. Et c'est à peu près une dizaine d'heures que l'on passe dans la sphère de 2 mètres de diamètre pour faire nos expéditions et nos plongées. Les aventuriers, Fabienne Chauvière sur France Inter. On écoute Arthur H, Reine de cœur. J'ai déjà oublié comment ne plus t'aimer. Comment stopper la machine infernale. J'ai déjà oublié comment ne plus t'embrasser. Elle m'hypnotise, ma déesse adorée. Chérie, chérie, laisse-moi te réchauffer avec les mots troublés de ton chien à pan violent. Chérie, chérie, laisse-moi m'aventurer dans la beauté cachée de ma reine de cœur. J'ai déverrouillé le cadenas givré. En embuscade, j'ai guetté ton arrivée. De l'autre côté de ce pays éphémère, j'ai dérobé des baisers de lumière. Chérie, chérie, laisse-moi te révolutionner en orbite tout autour de moi. Chérie, chérie, personne ne décapite, même sous la terreur, ma reine de cœur. Chérie, chérie. Laisse-moi déshabiller, robe des voilures, nue sous l'armure. Chérie, chérie, laisse-moi t'évader de ton palais doré, ma reine de cœur. Chérie, chérie, laisse-moi t'idolâtrer, primitif apprivoisé, ma reine de cœur, ma reine de cœur. Marianne Cambon, microbiologiste à l'Ifremer, a pu aller dans les grandes profondeurs des océans. Peu d'êtres humains ont vu ce qu'elle a vu. Ces lieux sont pour elle d'une beauté à couper le souffle. L'océan des abysses est aussi très intéressant pour les scientifiques. Marianne Cambon a été responsable de 2 missions sur la dorsale de l'Atlantique. Donc j'ai eu la chance en 2014 puis en 2018 d'être chef de mission des campagnes BICOS 1 et 2. Donc BICOS 1 qui a eu lieu en 2014 avec le navire Pourquoi Pas de l'Ifremer et le ROV Victor qui est un robot téléopéré dans lequel on ne descend pas, on fait le travail de surface. Et BICOS 2 dont on vient de rentrer, le but de ces campagnes de biologie à dominante biologie et vraiment de mieux comprendre et mieux décrire les écosystèmes profonds dans le contexte des sources hydrothermales et des volcans sous-marins. Ceci dans le but de mieux les protéger. On a toujours tendance à penser que les grands fonds sont loin et qu'ils sont protégés de fait parce qu'ils sont peu accessibles. Mais il faut avouer qu'aujourd'hui, les grands fonds sont de plus en plus accessibles, y compris pour l'industrie. Par exemple, le pétrole offshore et le gaz offshore va maintenant de plus en plus profond. Et aujourd'hui, il y a une course aux minerais qui pourrait impacter un jour ces écosystèmes-là. Alors, pas les écosystèmes actifs avec les sources hydrothermales actives, mais probablement les écosystèmes qui sont alentours, qui sont éteints. Et la question que se posent les biologistes dans notre domaine au niveau mondial, c'est mais comment ces écosystèmes vivent, comment ils se développent, comment ils se multiplient et comment on peut expliquer qu'on les trouve sur près de 6000 km entre le nord et le sud de l'Atlantique, avec à peu près les mêmes espèces et les mêmes combinaisons d'espèces, les mêmes assemblages. Comment les espèces peuvent se déplacer? Et un autre grand mystère de ces espèces-là, c'est quel est leur cycle de vie, quelle est leur durée de vie. Aujourd'hui, on ne le sait pas ou très peu. Et ce sont des grandes questions auxquelles on tâche de répondre à travers cette série de campagnes. Donc au cours de la campagne Bicos 2, nous avions la chance d'avoir le sous-marin Nautile dans lequel j'ai quand même pu plonger deux fois pour reconnaître et répertorier les espèces qui sont sur ces deux sites majestueux. Nous avons dans ces environnements-là des cohortes de crevettes dites aveugles, puisqu'elles ont effectivement dans l'évolution, elles n'ont plus d'œil pédonculé comme les crevettes classiques. Point remarquable, elles ont aussi une tête hypertrophiée. On parle souvent de bajoux de hamster un petit peu, et dans ces têtes hypertrophiées, et ben elles cultivent entre guillemets leurs bactéries qui les nourrissent, et elles ont pratiquement plus besoin de se nourrir autrement, voire plus du tout. C'est fait partie des études qui sont encore en cours. Nous avons des crabes, nous avons trouvé des poissons. Sur un des sites, nous avons trouvé aussi le site qui s'appelle Élan, parce qu'il fait penser avec ses structures à des cornes d'élan. Il est absolument magnifique, avec des couleurs ocre et marron. Et sur la base de ce site se trouvent des colonies de moules aux couleurs orangées et marron, et qui sont de taille assez remarquable, de plusieurs centimètres de long. Et ces moules ont la particularité d'avoir des branchies qui font pratiquement la taille de l'animal, puisque la branchie sert non seulement à respirer, mais aussi c'est son garde-manger. Et donc on voit l'évolution de la vie dans ces environnements-là qui ne cesse de nous émerveiller. Et à chaque plongée, son lot de nouveaux résultats, nouvelles avancées pour mieux comprendre ces écosystèmes. À la sortie de la campagne Bicos, même s'il est encore trop tôt pour répertorier tout ce que l'on a de nouveau, on sait qu'un développement de nouvelles techniques de prélèvement apporte de nouvelles espèces qu'on n'a encore pas isolées, pas encore décrites, que ce soit des petits animaux, des gros animaux ou des micro-organismes. Grâce à nos sous-marins, nous pouvons non seulement voir ce qu'il se passe au fond, et nous pouvons aussi faire des mesures. On peut mesurer la température, mais aussi faire des mesures de chimie pour comprendre dans quel environnement vivent nos animaux. Et puis on peut prélever des animaux et des roches. Donc les sous-marins ont des bras téléopérés avec des pinces au bout qui permettent d'attraper des roches que l'on met dans un panier qu'ils ont sur le devant et qui dans des boîtes. On a développé des boîtes, on a développé des systèmes de casiers pour ranger nos échantillons et s'y retrouver une fois que le sous-marin est remis en surface. Et puis pour les animaux qui sont mobiles, comme les crevettes par exemple, on a développé un système qui s'appelle un aspirateur à faune. Alors, ça ressemble un petit peu à un aspirateur. Et puis, ce qu'on aspire va dans des bols. Et ça permet de remonter les animaux. Et grâce à nos collaborations avec nos collègues de Paris, de l'UPMC, on a même un système qui permet de remonter ces animaux sous pression et de les maintenir vivants un certain temps sur le bateau sous pression. Et c'est grâce à ça qu'on a fait des grandes avancées scientifiques pour mieux comprendre les températures maximum et minimales auxquelles était capable de se développer l'animal ou ce qu'il était capable de supporter en changement d'environnement chimique et comment ces symbiontes, donc ces bactéries amies, pouvaient s'adapter aussi en fonction des modifications de l'environnement. Donc tous ces résultats-là nous permettent de faire de la physiologie sur des espèces qui vivent à plus près de 4000 mètres de fond, ce que l'on n'aurait sans doute pas imaginé il y a 20 ou 30 ans en arrière, et qui nous permettent de nous rendre compte à quel point la vie est plastique et capable de s'adapter à d'innombrables conditions. Toutes ces campagnes nous permettent, peu à peu, de campagne en campagne, on lève des nouveaux voiles de connaissances et on se pose toujours de nouvelles questions. Les scientifiques, par nature, sont curieux. Et quand ils ont une réponse, ils vont chercher une autre question parce qu'ils ont besoin de compléter. Aujourd'hui, on a avancé sur l'inventaire des espèces, même si on sait qu'on est loin d'avoir décrit les espèces présentes, surtout pour les plus petites. On a encore beaucoup de travail là-dessus. On commence à comprendre comment la vie est possible d'un point de vue trophique, c'est-à-dire comment les animaux peuvent se nourrir et comment les micro-organismes arrivent à se développer. On se pose encore par contre beaucoup de questions. Et là, on commence à peine à démarrer les projets de recherche. C'est tout ce qui concerne les cycles de vie, comment ils se reproduisent, à quel moment de l'année. On s'est rendu compte que manifestement, la crevette qui a la grosse tête semble se reproduire l'hiver, ce qui est assez étonnant. Puisque les volcans sous-marins, par essence, n'ont pas de saison. Donc on se pose la question de pourquoi ils auraient une saisonnalité à la reproduction dans les grands fonds. Et puis l'autre question, c'est comment ils passent d'une cheminée à l'autre, d'un environnement à l'autre, puisque entre les deux, bah, il faut passer par l'eau froide. Et qui dit eau froide dit plus d'alimentation pour les micro-organismes et donc pour l'animal derrière. Donc ces questions-là, on est encore incapable d'y répondre. Donc on déploie de nouveaux outils, on déploie des pièges à particules dans les grands fonds pour essayer d'attraper des larves qu'on n'a toujours pas ou peu réussi à attraper. Et la larve, ben c'est sans doute l'élément le plus mobile dans le cycle de vie, celui qui est capable de se disperser. On essaye de comprendre les grands courants, les courants profonds. On connaît encore très très peu de choses sur les courants profonds. On les ressent quand on est dans le sous-marin, mais on les a pas encore complètement cartographiés. On n'a même pas encore complètement cartographié la dorsale médio-atlantique. On connaît quelques petits points là où il y a de l'activité, là où on en a trouvé. Mais une campagne en 2017, à laquelle j'ai eu la chance de participer et de plonger, a mis en évidence 7 à 8 potentiels nouveaux sites actifs. Et donc on se rend compte que probablement le manque d'exploration fait qu'on est loin d'avoir compris encore comment marche cette chaîne de montagnes magnifique. Au-delà de cette recherche scientifique qui cherche à comprendre le fonctionnement de ces écosystèmes et leurs limites de vie, ce qu'on appelle la résilience, leur capacité à s'adapter, aujourd'hui, on a des projets aussi de recherche dans différents pays visant à mieux comprendre, pour mieux exploiter la capacité de ces organismes à vivre sous pression et dans des conditions qu'on appelle naturellement polluées. On s'est rendu compte que certains micro-organismes, bactéries pour parler simplement, sont capables de piéger certains métaux lourds et pourraient du coup dépolluer. On a aussi trouvé des organismes comme des éponges très profondes qui avaient des petites molécules qui pouvaient peut-être avoir un rôle anticancéreux. Ce sont que des tout débuts, on est très en amont dans ces recherches-là. Lorsque l'on s'approche des animaux profonds qui vivent en contact avec les bactéries, on peut toucher aussi à tout ce qui est reconnaissance. Comment l'animal reconnaît sa bactérie amie des autres? Comment il la sélectionne? Et de là, il y a sans doute des molécules de communication qui pourraient peut-être apporter des nouvelles pistes vers des nouveaux médicaments et des nouveaux antibiotiques. On parle d'aires marines protégées profondes, justement pour faire perdurer et protéger ces environnements magnifiques sur lesquels j'espère plonger à nouveau dans ma carrière avec notre sous-marin Nautil. Les prochaines expéditions devraient avoir lieu sur les années 2019-2020 où nous allons pouvoir poursuivre nos découvertes scientifiques. J'ai toujours à cœur de retrouver ces cheminées hydrothermales avec cette sortie de fluide et ces espèces qui sont tout autour. On se sent tout petit face à la nature quand on est face à son hublot avec une cheminée au-dessus de la tête qui est dans les tons ocre, dans des couleurs très lumineuses, avec les animaux, donc moi qui travaille sur la crevette, qui forment des agrégats jusqu'à 2500 crevettes au mètre carré, qui grouillent devant nos hublots, et qui sont sur ces zones qui paraissent tellement inhospitalières pour nous et tellement naturelles pour eux. On se dit que finalement, on est peu de choses face à Dame Nature. Pour avoir une idée de ce qu'il y a au fond des abysses, pour regarder à quoi ressemblent les fameuses crevettes de Marianne Cambon, nous avons mis un lien sur la page de l'émission qui vous enverra sur le site de l'IFREMER. Vous pouvez aussi bien sûr réécouter ou podcaster cette émission, comme toutes celles de cette saison estivale, même celles qui ne sont pas encore diffusées sont à votre disposition en avant-première. Je me permets aussi de vous rappeler que cette année, les Saventuriers se déclinent en livres, les grandes épopées qui ont fait la science sont éditées chez Flammarion en partenariat avec France Inter. Clément Baudet réalise Les Saventuriers, Irène Menahem a préparé cette émission, à la programmation musicale Djoubaka, à la prise de son Valentin Hazan et Selim Guéribi. Merci aussi à Romain Couturier de la discothèque de Radio France. Demain, l'explorateur Jean-Louis Etienne nous emmènera à la découverte des pôles. À demain!